Francis Jourdain vous parle. Mort le 21 décembre 1909, Philippe resta longtemps le plus cher de mes compagnons, le plus proche de mes confidents. L'ombre avec laquelle je poursuivais maintes controverses engagées naguère était si consistante, la présence de mon ami était si affective qu'il m'arrivait d'enrager de n'avoir pas avec lui le dernier mot. Aujourd'hui encore, je ne peux évoquer cette ombre sans réveiller mon regret d'avoir laissé partir, sans lui avoir dit tout ce que j'avais à lui dire, celui que la mort a un soir si bêtement détourné de mon chemin. Du moins voudrais-je savoir parler de lui. Mais, en dépit d'apparence simple, ce petit homme, petit mais costaud, était un personnage bien trop compliqué pour qu'il soit aisé de tracer de lui un portrait fidèle. Tout au plus, puis-je, avec tous les amis de Philippe, redire combien est éloigné de la réalité la légende d'une sorte d'infirme géniard, souffreteux et mélancolique. Si certaines pages semblent justifier cette légende aux yeux de lecteurs inattentifs, la larmoyante résignation qu'ils y croient trouver n'en est pas moins incompatible avec le sentiment de force que donnait à Philippe la certitude d'avoir près de lui ce qu'il appelait la masse obscure des pauvres. Ceux pour qui, à l'entendre, le malheur n'est plus un ennemi puisque depuis longtemps on est habitué à sa présence. Il a été souvent parlé du mysticisme de Philippe, mais n'allons pas oublier que ce mystique était aussi un gourmand, un sensuel, je serais tenté de dire un paillard si cet arme d'impliquer une vulgarité fort éloignée de sa jovialité si gentille. Il aimait rire, je le vois encore à l'Alcarnatin, littéralement terrassé par le rire, se laissant choir sur l'herbe et me suppliant d'un geste de laisser prendre haleine, d'arrêter un récit qui n'était pourtant ni spirituel ni fin, mais tout bêtement drôle. Bien entendu, Philippe était trop sensible pour n'être pas souvent grave. S'il lui arrivait de rechercher la solitude, il aimait surtout l'intimité à l'abri de laquelle s'allume, pour mieux nous éclairer sur nous-mêmes, la lumière des confidences. C'est ce qu'il appelait en souriant faire du grand penser. Il n'abordait les sommets qu'avec bonhomie, n'y séjournait pas, redescendait vite vers les hommes, les pauvres bougres d'hommes qu'il écoutait avec attention, avec ferveur, avec pitié, et souvent aussi avec malice. Plutôt que de sa foi, il faudrait parler de l'apaisement qu'il y souhaitait trouver, de la tranquillité qu'une sorte d'obscur égoïsme lui fait espérer, qu'une sorte d'obscur goût de l'inquiétude lui fait redouter. Un jour, de grand pensée, abordant une fois de plus le haut problème devant lequel il était indécis et troublé, il me demanda où j'en étais. Et j'eus ainsi l'occasion de lui rappeler le mot de Stendhal, « La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. » Comprenant qu'il y avait certaines questions que je ne me posais plus, « Oui, oui, toi, me dit-il, tu as trouvé ta vérité. » Et il me montra le berceau où dormait mon enfant. On n'insistera jamais assez sur les contradictions de cette âme tourmentée. Être d'une race de pauvres, et peut-être, comme il l'écrivait à Barès, le premier fils d'une race de pauvres qui souhaite aller dans les lettres, avait développé en lui une sorte de fierté à laquelle on opposerait en vain son esprit chrétien. Ce chrétien non pratiquant, ce chrétien sans connaissance ni curiosité du dogme, était aussi un grand admirateur de Nietzsche et moins soucieux de justice divine que de victoire humaine. Il n'est pas nécessaire d'étudier la question. Je sais les yeux fermés que ce sont les pauvres qui ont raison. En mettant ces mots dans la bouche du Christ, Philippe exprimait le caractère passionné de son propre parti pris. Pauvre, se tenant obstinément aux côtés de ses frères, il n'était guère enclin à leur conseiller de se taire, car il soupçonnait les riches de n'avoir pas l'oreille très fine et disait savoir que si les pauvres ne faisaient pas tant de bruit, les riches ne s'apercevraient même pas qu'il y a des pauvres. Il lui paraît nécessaire qu'ils le sussent pour que soit explorée la frontière qui les sépare deux mondes. C'est cette frontière que le fils du sabotier Philippe regarda de tous ses yeux. Il écrivait encore à Maurice Barrès, « Vous séparez les nationalités, c'est ainsi que vous différenciez le monde. Moi, je sépare les classes. » Philippe était-il donc socialiste? À cette question, Marcel Rey, son camarade du lycée de Moulins, a excellemment répondu. Il était socialiste comme les nègres sans crépus. Le socialisme était pour lui le sentiment d'une différence. Il était le fils de ceux qui font les sabots des autres ou les ménages des riches. Je me rappelle avoir un soir rapporté à Philippe les propos que j'avais recueillis la veille chez mon ami le peintre Valoton. Je m'étais trouvé à la table de celui-ci à côté d'une exécrable jeune et jolie femme du monde qui, au cours du dîner, avait assuré qu'elle n'aurait aucune gêne à se déshabiller devant son valet de chambre, non point qu'elle ignorât la pudeur, mais parce qu'elle ne pouvait admettre qu'un domestique fût un homme. Et je confiais à Philippe quelle colère m'avait fait rougir, quel dégoût m'inspirait la bassesse et la cruauté de cette splendide et ignoble garce, refusant la qualité humaine au mal que la fortune avait mis à son service. Alors, soudain très grave, mon ami me dit, « Imagine de quelle oreille j'écoute ton histoire, moi dont la mère a été domestique. » Philippe s'était promis d'écrire un livre pour apprendre, écrivait-il, à ceux qui le liront, qu'un homme loyal et courageux qui était son père a vécu une vie de travail. Dans plusieurs lettres, il parle de la peine qu'il a tiré quelque chose de ce père, qu'il ne voulait pas occuper le monde. On dirait, ce n'est pas intéressant, c'est l'histoire d'un homme qui travaille. Il n'est rien arrivé d'extraordinaire, c'est l'histoire d'un homme qui a fait son devoir. Cependant, quand le vieux sabotier fut enterré, son fils s'acharna à réaliser ce projet. Il recommença plusieurs fois Charles Blanchard. Puis, mécontent de son travail et de ses essais, il enfouit son manuscrit dans le fond d'un tiroir où la mort l'empêcha de l'aller chercher. L'état dans lequel il laissa ce livre, la diversité des versions retrouvées, ont empêché de comprendre précisément quelle tâche était assignée Philippe. En écrivant Charles Blanchard, Philippe voulait conter l'histoire d'un homme qui change de condition, qui de la condition de mendiant passe à la condition d'ouvrier. Je reprends les termes mêmes dont servit Philippe pour m'expliquer le sujet, le magnifique sujet de son livre. Cette histoire eût été le récit de la douloureuse et glorieuse marche d'un homme obscur à travers le pays de la pauvreté. Ce pays-là, il était la vraie patrie de Philippe. C'est là qu'il venait écouter et honorer ses morts. Ayant toujours connu une jeune qui fut quelque temps proche de la misère, mon ami restait attaché à cette patrie, moins par le souvenir qu'il en avait gardé que pour rester fidèle à toutes les mains noires qui du fond des âges l'avaient guidé, à toutes les faces grises dont du fond des âges il sentait les larmes mouiller ses propres yeux. Cette fidélité, cette ferme décision d'obliger le privilégié à écouter le maudit trop longtemps condamné au silence, c'est cela qui confère au petit Philippe tant de grandeur. Sa voix garde un accent attendrissant et grave. Quand il partit, Philippe avait encore beaucoup à dire, nous en sommes sûrs. Quant à moi, je n'ai pas complètement pu me déshabituer de bavarder avec mon ami, de faire avec lui du grand penser et de lui raconter des blagues. Francis Jourdain vient de nous l'apprendre, on ne saurait faire un portrait de Charles-Louis Philippe qui soit exempt de contradiction. Dès Bubu de Montparnasse, dès 1901, on assiste à ce conflit entre la sentimentalité et le culte de l'homme fort, entre l'évangélisme et ce que pour plus de simplicité ainsi que le dit Gide, nous appellerons le nietzschéisme. Il me semble que ce sont les chroniques du canard sauvage qui, bien que plus ignorées que la mère et l'enfant par exemple, expriment le mieux ce conflit. Les chroniques du canard sauvage groupent des textes des chroniques dont la parution commence en 1898 dans la revue L'Enclos pour s'achever en 1903 dans le canard sauvage. L'Enclos était un périodique de tendance socialo-anarchiste, parraine envers l'argent selon leur formule. L'Enclos ne voulait pas avoir plus d'acheteurs que d'abonnés, on l'envoyait à quiconque en faisait la demande. En 1898, Charles-Louis Philippe admirait d'une admiration quasi exclusive Dostoïevski, mais en 1900, Charles-Louis Philippe découvre Nietzsche, il écrit à son ami Van Putte, « Je suis obligé de t'écrire tout bas. Je regarde mon vieux Michel-Ange et mon vieux Dante avec des folies dans les nerfs et dans la volonté. » Car j'ai lu Nietzsche, mon ami, c'est un remède à mes maux, un grand cordial qui me fait fort. J'ai éprouvé pendant quelque temps un grand orgueil et une grande joie, comme il est dit dans la préface de Humain trop humain, et je connaîtrai encore tout cela parce que je veux remporter toutes les victoires sur moi-même. Et quelques mois plus tard, en mai 1901, il écrit encore « Ton article sur Bubu m'a fait grand plaisir, mais je te l'ai déjà dit, tu me vois trop comme un homme sensible et pas assez comme un homme fort. » Mes amis d'ici qui me voient tous les jours savent que je suis un homme fort, avec de la résistance et du courage, et que j'ai des volontés furieuses. Je suis peut-être plus près de Nietzsche que de Dostoïevski. On pourrait croire que la sentimentalité et le souci d'être un homme fort se succèdent plutôt qu'ils ne s'opposent, et qu'ainsi ce conflit dont nous parlions tout à l'heure était une illusion. Sans doute pourrait-on penser ainsi, mais en écoutant les textes de Charles-Louis Philippe que nous allons vous lire, vous verrez que ce conflit est bien une réalité. Car la vénération de la violence, le nietzschéisme de Philippe, est loin d'être exempt de sentimentalité, d'évangélisme. 15 février 1898, être pauvre. Être pauvre, ne posséder au monde qu'un lit, une table, une chaise, une lampe et un poêle. Faire quelques économies sur sa bouche pour que le pétrole et le charbon ne viennent pas à manquer. Porter de vieux habits là qui rendent modeste. Avoir la barbe un peu longue parce qu'on ne peut donner 6 sous au coiffeur qu'une fois par semaine. Ne prendre une chemise propre que le dimanche. Être pauvre, mon Dieu, c'est tout cela et c'est être bien près de vous. Être méprisé par la belle dame du premier, rencontrer dans l'escalier un gros monsieur qui ne vous demande pas pardon pour passer, avoir une concierge arrogante, payer son terme au commencement du trimestre, manger à côté des cochers dont la grosse voix et les grosses idées vous font mal comme un coup de poing, passer auprès des petites ouvrières de 7h du soir qui ne font pas attention à vous parce qu'elles veulent un galant à chapeau haute forme et qui possèdent de l'argent pour leur payer les chapeaux à fleurs. Être pauvre, mon Dieu, c'est tout cela et c'est connaître la vie. Ceux qui sont riches possèdent de beaux appartements compliqués où il y a des lits de milieu avec des draperies, des tables sculptées, des consoles, des lampes et des canapés recouverts de tapisseries, des lampes à colonnes, des lampes en forme de fleurs, des lampes en forme d'oiseaux et des cheminées de marbre teinté sur lesquelles on voit des vases de Sèvres à dessins chinois. Ils mangent des dindes truffées, s'usent des bombes glacées et boivent du champagne. L'hiver, ils portent des fourrures et l'été, des gants clairs. Ils ont de gros diamants à leurs cravates et des émeraudes sur les bagues de leurs doigts. S'ils vont dans une maison, c'est pour rendre visite à la dame du premier. Et la concierge ne leur demande pas « Où allez-vous, monsieur ?» Et les petites ouvrières aux yeux vifs se disent que si ce monsieur voulait leur offrir à dîner, elles seraient heureuses d'aller avec lui dans un grand restaurant. Être pauvre, mon Dieu, c'est être semblable à vous. Les actions humaines viennent mourir à mes pieds. Un homme est bon parce qu'il me regarde, une femme est bonne parce qu'elle me sourit. Être pauvre, c'est se rapprocher de vous. Être pauvre, c'est être bon. Je vous remercie, mon Dieu. 1er juin 1898. Un pion. Les pauvres pions de province sont si malheureux que ceux qu'ils ont punis plaignent leur sort. Je ne sais pas si les pions de Paris sont misérables, puisque j'ai connu une bonne de restaurant entretenue par un maître répétiteur du lycée Saint-Louis. Et celui-ci était un beau monsieur qui portait un chapeau haute forme, une grande redingote noire, un col blanc et une de ces cravates qui font semblant d'avoir plusieurs tours. Mais j'ai connu dans un lycée du centre de pauvres pions dont plusieurs étaient savants et qui, bien modestement, bien tristement, accomplissaient leurs fonctions. Je me souviens surtout de l'un d'eux qui n'était pas savant, mais que j'ai fait souffrir et qui m'a fait souffrir. Nous l'appelions le chien, d'abord parce qu'il avait une tête de chien, et ensuite parce qu'il était toujours attaché à nos pas. Son gros nez aux ailes larges et solides, sa grosse mâchoire, ses gros yeux noirs et quelque chose encore de grossier dans son visage rappelaient qu'il descendait d'un paysan des montagnes, robuste comme les plantes et comme les bêtes. Le pauvre chien se promenait autour de la cour tout seul et tantôt regardait l'air, tantôt nous regardait pour se distraire. Comme il avait une âme très simple, il ne pensait pas à des problèmes philosophiques, mais s'occupait de choses très positives, comme de savoir si un élève n'était pas allé fumer une cigarette en cachette. Sans doute qu'au fond de lui-même, cela lui était bien égal. Mais monsieur le censeur pouvait venir et, s'apercevant de la faute de l'élève, déclarer que le pion ne faisait pas son service. C'est de ses fonctions qu'était chargé le chien, c'est-à-dire qu'aux heures de notre liberté, il était chargé de nous rappeler notre esclavage. Dans tous nos plaisirs, il apparaissait. Entre la coupe et les lèvres, toujours il y avait le chien. Mais le chien ne méritait pas ce que nous lui faisions souffrir. Tout d'abord, nous l'appelions le chien et il le savait. Comprenez-vous cela? On appelle un homme le chien. Mais surtout, nous exprimions au chien notre mépris. Les petits le lui exprimaient en riant de ses observations. Les grands le lui exprimaient plus durement. Lorsqu'il venait nous faire une observation, nous n'y prenions pas garde et continuant le jeu commencé, riant fort avec ostentation, nous faisions comme si le chien n'était pas là. Parfois, nous consentions à le regarder. Mais alors, c'était en levant notre tête et abaissant nos regards, comme les hommes très supérieurs le font pour des hommes très inférieurs. Il y avait autre chose encore. Quand nous passions à côté de lui, souvent nous parlions du métier de pion, et nous disions très haut pour qu'il l'entendît que c'est le dernier des métiers et qu'il vaut mieux être portefait. Je me souviens aussi qu'une fois, il toucha au cou d'un de mes camarades, et celui-ci s'épousta comme s'il avait été touché par une chose sale. « Monsieur, vous valiez mieux que nous tous, vous étiez pauvre, et être pauvre, c'est être près de Dieu. » Être pauvre, c'est être près de Dieu. Peut-être voyez-vous là quelque exagération. Cette exagération, Charles-Louis-Philippe la reconnaît, elle est nécessaire. Il écrit à Maurice Barrès, « Nous n'avons d'autres ressources que de nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi j'écris toujours plus tendre que ma tête ne me commandait. » Ainsi, quand il pense aux malheureux, il pense aux assassins. Parler d'eux, écrit-il au mois de janvier 1901, après sa découverte de Nietzsche, parler d'eux comme de toute chose sans horreur et comme juste parler d'une jeune fille dans un jardin de roses. Xolgosh en assassinant le président McKinley, Cassério en assassinant Sadi Carnot, condamnèrent la société, écrit Philippe, dans un de ses symboles. Puis, avec la naïveté d'un enfant, ils crurent la briser comme on brise le suprême chaînon du mal, et c'est alors qu'ils connurent leur voix. Il y eut une fois un homme très simple que rien ne put empêcher d'aller voir le président de la République. Seulement celui-là n'avait pas assez de scepticisme. Il marchait au mirage comme les gens qui ont tant de foi qu'ils ne s'occupent pas de la longueur du chemin. Il possédait si peu d'argent qu'il ne sut pas prendre le chemin de fer jusqu'au bout. Je ne me souviens pas où il descendit, mais je me souviens beaucoup de lui-même. Il alla d'abord visiter des amis. Ce jour-là, il dut être bien heureux. Il portait avec lui une vérité très forte et il appuyait sur elle à chaque pas. Il dut dire adieu à ses amis et il dut ainsi leur parler. « Tout mon amour me monte aux lèvres. Moi, l'ouvrier boulanger, je vais accomplir un acte dont le souvenir dominera les temps comme une rédemption. » Vous voyez, dans mon cœur est tout mon courage, et lorsque je vous parle, il me vient à la bouche je ne sais quoi de bon, comme d'aller cueillir le fruit de l'arbre pour le manger. Maintenant, tous les hommes pourront goûter au bonheur. Demain, vous saurez tout. Je vais frapper celui qui distribue le mal, je tarirai la misère comme une source. » Il les quitta, il fit la route à pied. La fraîcheur se répandit au soir et la brise coulait comme une pensée pure. Il fuma beaucoup de cigarettes et dans ce jour de vacances, il aimait la promenade et regardait par devant lui son ombre le précéder simplement. Une fois, il avait fait Saint-Jean-Baptiste dans une procession. Il était naïf encore, il lui semblait que les oiseaux du ciel dussent s'en souvenir. Il arriva à Lyon. La gloire, les drapeaux, les fanfares, les maîtres du monde fêtaient ce jour où le premier d'entre eux venait de Paris pour les encourager à rester les maîtres. Et la foule de ceux qui obéissent le fêtait aussi, à ses ignorantes pour communier à la joie de ceux qui commandent. C'était un enfant. Il s'arrêta d'abord au milieu d'eux. Il retournait sa vérité dans son sein, la sentait bonne et chaude et toute simple, comme une vérité de 20 ans qui siège au centre de celui qui la porte. Il n'eut pas de mal à s'en servir. Il frappa droit au cœur la vérité ennemie. Il eut le geste direct du chasseur tuant du premier coup le lion qui venait visiter les troupeaux. Cassério, jeune homme sans emphase, je me souviens de ta vie. Le jour vint où l'on te lut ton arrêt de mort. Tu étais coiffé d'une casquette de boulanger, tu la posas, on t'apprit que tu devais mourir, puis tout bonnement tu l'as remis sur ta tête sans exagération et sans vanité. Il y a des jeunes gens si purs que leur vie est un cristal qui reflète leurs pensées en toute ingénuité et dont les gestes se propagent et vivent à l'unisson de leur cœur, tu étais un de ceux-là. Tu te recueillis, tu condamnas la société dans un de ses symboles. Puis avec la naïveté d'un enfant, tu crus la briser comme on brise le suprême chaînon du mal. C'est alors que tu connus ta voix. Quelqu'un y marcha-t-il plus vaillamment? Pendant longtemps, il fut défendu de parler de toi. Ton jour viendra. Tu es proprement un saint, et comme à eux, il t'a manqué la largeur du coup d'œil. Tu ne fus qu'un saint, Cassério. Que ne t'es-tu conservé plus longtemps pour apprendre? Ton sacrifice est inutile, tu eusses fait autour de toi la belle propagande du savoir, de la force et de la vertu. Et dans toute la masse qui est encore en bas, tu eusses organisé comme nous de grands mouvements qui l'élèvent et qui la porteront un jour au-dessus de ces barrages comme une seule mer vivante. On pourrait croire que la signification politique de ces assassinats est seule à provoquer l'enthousiasme de Charles-Louis-Philippe. Détrompez-vous. Voici l'histoire de la bande des Épinettes. Dans un temps où la police se ramifie, où l'on mensure les énergies sur l'affiche numérotant à la préfecture de police, où l'on téléphone de Paris à telle gare des Basses-Alpes, allô, allô, vous arrêterez l'homme qui arrive par le train de 5h30 vêtu d'un feutre mou et d'un complet marron, dans un temps de société organisée vivaient à Paris quelques adolescents. Et ces adolescents disaient malgré tout, nous ne travaillerons pas, les riches ne travaillent pas. Nous voulons des femmes et nous voulons manger, nous voulons boire et rire. Et pourquoi passent-ils des carrosses dans les rues? Les riches n'ont rien fait pour être riches, c'est pourquoi nous sommes pardonnés quand nous volons les riches. Et quant à ceux que le travail enrichit, si nous travaillons, notre travail ne saurait pas nous enrichir, car le pauvre meurt pauvre. C'était la veille du jour de l'an. L'or siégeait aux devantures et provoquait les gueux. Ils étaient 10 gars. Il y avait des bazars et la possibilité des jours de fête, alors que les produits du vol peuvent se vendre dans les rues. Pendant que les uns volaient, les autres faisaient le guet. Tout appartient à qui sait prendre. La scène se passa dans un bazar de la rue des Clois, où l'un d'eux fut maladroit. Un commis cria, l'homme parti. Du reste, il emportait les objets. Le commis suivit. Au voleur ! Il y avait des gens tout alentour. C'était un mouvement singulier, une habitude. C'est une habitude qu'ont les pauvres de se sentir volés par les voleurs. Ceux-là se mettaient à courir. Le voleur filait. Il y eut une rue à droite, il s'y élança. Ensuite, il y eut une rue à gauche. Et c'est des cris qui traversent les plus doux. Au voleur, arrêtez-le, et alors qu'ils y viennent, d'un seul coup, l'homme fait volte-face. On a toujours son revolver. Il n'y a que 4 coups, mais ne craignez rien, ils porteront. Bien, vous venez à moi, et moi aussi, je viens à vous. Il tire ses 4 coups de revolver. Il y en a 4 qui tombent. Visez juste, tirez fort. Les belles dames le criaient aux soldats, au temps des troubles de Milan. C'est une nouvelle force. Le fait est qu'il y a un arrêt dans la cohue et que les coups bien donnés tombent comme un commandement. Soudain, on perd la tête et c'est une rafale qui vous saute à la nuque. On regarde, 3 sergents de ville, à coups de poing, vous tiennent et vous courbent. Tu t'attendais pourtant à la liberté des beaux jours. Tu croyais qu'au coin d'une rue, l'homme fort le prend à la gorge. Mais du même coup, 2 bons, 4 bons, 6 bons, des voix connues. Et ce sont les amis du blessé, les bons frères qui vous ont suivis, vous entourent et vous dégagent. Les couteaux sont sortis et les courages, et c'est la résurrection. Tu t'affranchis, tu cognes, et les 3 sergents de ville s'écrasent et résonnent contre les pavés. Il en vient d'autres. On se redresse sur les pattes de derrière et l'on y va, et la cohue, ceux qui vous suivaient, tout ce qui s'entasse, cela vous presse, appelle, geint et se laisse faire. Ce fut un beau combat. 10 hommes luttaient contre un monde. Ce fut beau comme au pont de Gargliano. De grands appels couraient. 9 hommes étaient venus dégager leurs frères. Ils auraient pu s'enfuir et penser qu'importe la guerre qu'on porte des prisonniers, l'un de nous vient de se perdre. Ils revenaient et bravaient tout. Et devant eux, c'était le spectre formidable des lois. On a chanté la lutte contre les dragons, percée délivrant la belle Andromède. Qui donc chantera 9 amis bravant le bagne et la mort? Il ne s'agissait ni d'être un dieu comme Siegfried, ni de conquérir l'amour et connaître la vie. Qui donc a dit que le temps des chevaliers était passé? Qui donc a parlé de la fin des grandes aventures et de la mort des héros, alors que 10 marlous luttent contre une police implacable et puissante? C'est à Monsieur Léon Werth que nous avons demandé de conclure cette émission. Monsieur Werth, êtes-vous d'accord avec Francis Jourdain? Je suis tout à fait d'accord avec Francis Jourdain, sur ce point tout au moins. Il vous a dit combien il était difficile de rassembler dans une image unique les nuances et les apparentes contradictions d'un Charles-Louis-Philippe. Évangéliste et socialiste, admirateur de Nietzsche et chrétien, sensible à tous les charmes de la tradition et anarchiste, que de contrastes qui semblent irréductibles à l'unité d'un même personnage, d'un même artiste. Mais à projeter sur ces contrastes une excessive clarté sans ombre, à les réduire au schéma, quelle pauvreté et quelle trahison! Je pense à cette chanson qui plaisait à Philippe, de l'arbre dans le jardin, de l'oiseau dans l'arbre, du cœur dans l'oiseau et du billet d'amour dans le cœur de l'oiseau. Le billet d'amour, le suprême message qui résume et concilie tout, qui pourrait prétendre en quelques minutes en donner la teneur. Mais cette légende de Charles-Louis-Philippe douée du don des larmes, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, je pense que ces biographes simplificateurs on décrit un Philippe qui gémissait sur la douleur humaine dans une chambre d'hôtel garnie ou dans une chambre de bonne. Du jour où il n'habita plus le 6e étage, il cessa de les intéresser. Il n'avait pas compris que Philippe n'était pas un mouton bêlant dans le troupeau néo-évangélique d'alors. Ils n'ont rien vu de son orgueil. Son orgueil avait la même source que sa tendresse. Ceux qui aiment choisissent. Et cela, c'est l'orgueil. Philippe distinguait entre les hommes comme les enfants distinguent entre l'ogre et le petit pousset. Je me souviens d'un soir où nous entrâmes dans un pauvre café chantant du boulevard Sébastopol. La salle était remplie de garçons livreurs, de petits employés, de filles, de souteneurs. La scène était un tréteau dressé à même le plancher. Les romancières et les comiques alternaient exactement, femmes aux bras tristes, chanteurs, aux visages de forçats timides, sur tous, sur toutes. Sur les grotesques et sur les déchus, la pitié de Philippe se posa, sauf sur un. C'était un jeune homme vêtu d'un habit noir que marquait aux épaules le lustrage triste des vieux effets. Il n'était pour moi qu'un lamentable cabot qui avait chanté « La maîtresse la plus jolie, celle qu'on aime à la folie ». Mais Philippe ne fut pas dupe. « Celui-là, me dit-il, Il a l'œil de l'oiseau sur son barreau de cage, il fait la roue, il s'est détaché des autres hommes, il se croit supérieur aux autres hommes. Ce n'est qu'un vieux souvenir de paroles jetées au vent. Mais n'y peut-on déjà deviner que la pitié de Philippe choisissait? Il ne pardonnait pas à la vanité, fut-elle celle d'un misérable. Et comment conciliez-vous ces caractères aussi contradictoires que, d'une part la pitié et d'autre part le culte de la force? Et en effet, sa tendresse évangélique semble contredire l'adhésion qu'il accorde à la force. En effet, il écrivait à André Ruyters, « Si tu avais lu quelques faits divers que j'ai traités à la fin de l'année dernière dans la Revue Blanche, tu aurais vu que j'y donnais raison aux assassins parce qu'ils sont actifs et qu'ils introduisent le hasard dans la vie. Et aussi dans les chroniques du Canard Sauvage, j'ai connu un authentique Marlou, l'un de ceux qui font plier. Et il écrit encore à Ruyters, « Vous ignorez tous, et Van Putte l'ignore aussi, que je suis un homme très fort. » Cette phrase, telle qu'elle, isolée, pourrait paraître ridicule, mais vous entendez bien que Philippe entend par là protester contre toute accusation de sentimentalisme littéraire ou de lâche pitié. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a un étrange contraste entre ce culte de l'humble et du pauvre, et cette admiration de la puissance s'exprima-t-elle par le crime. Mais cette contradiction, je crois qu'elle n'est qu'apparente, et je crois que l'époque la résout. En effet, en 1895, Philippe avait 20 ans. Il est mort en 1909. Ce fut le temps de l'anarchisme. L'anarchisme était alors la doctrine à la fois des bandits tragiques, des idéalistes lanceurs de bombes, du géographe Élisée Reclus, des disciples de Bakounine et du prince Kropotkine. Ainsi, l'anarchisme, comme tel dogme politique d'aujourd'hui, entraîna vers ce qu'il croyait la limite où la justice meurt et cède la place à la justice, des savants austères et de jeunes métaphysiciens. Déjà, l'anarchisme concevait l'épanouissement du moi dans une économie délivrée, et la bombe, alors, simplifiait tout. Si Philippe n'était pas mort si jeune, quelle aurait été, d'après vous, son évolution ? Je ne veux pas faire parler les morts. Je n'ai aucun texte. Je n'ai aucune confidence sur quoi m'appuyer, mais je pense que si Philippe eût vécu plus longtemps, il eût chaque jour davantage résorbé les doctrines et systèmes en circulation dans l'air du temps. En vérité, je n'ai connu qu'une religion à Philippe, celle du romancier. Il ne voulait pas seulement livrer sa propre confession, mais aussi et surtout donner la vie à des êtres imaginaires par lui créés. Je l'ai entendu s'indignant contre un auteur qui n'aimait pas ses personnages. Et en vérité, les dieux de Philippe, c'était Dickens et Dostoïevski, dont il cloua les portraits au mur de toutes les chambres où il vécut.